plus beaux des poèmes. Ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Alléluia, je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des anges. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Son nom méprisé par les hommes. Le nom de Jésus critiqué par les païens. Ce nom, c'est celui qui délivre. Le nom de Jésus des noms. Hey, alléluia, je te glorifierai mon roi et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Jésus, je parlerai de toi, je porterai. Toute ma vie, je chanterai Jésus, ce nom qui m'a sauvé. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Les hommes ont porté des noms, les autorités de ce monde ont porté de noms. Maman Blanche aussi a un nom, tout le monde ici porte un nom. Mais le nom de Jésus est un nom très puissant. Ce nom, c'est celui qui m'a sauvé. Alléluia, je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclame, je te proclamerai toute ma vie. Alléluia. Jésus, je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui m'a sauvé. Alléluia, je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, mon roi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, le nom qui m'a donné une famille. je t'exalterai. Je te proclamerai. Dans le monde entier, je proclamerai Jésus. Hey, je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toute ma vie, je chanterai. Je te proclamerai.